silence, au milieu du vacarme, un chanteur qui danse dans les bras d'une femme. Quand je suis ridicule, à devenir idiot, à me rire d'Hercule jouant Calimero. Il est un doux parfum qui s'émane des hommes, de leur tendre venin sucré comme une pomme. Ce parfum familier, si commun et si fade, rien ne peut le tuer, rien, pas même les flammes. Rien ne peut le tuer, rien, pas même les flammes. Colère au milieu du silence, un fabuleux éclair qui chante l'impuissance. Quand vous êtes politesse, pas loin de la bêtise, à répéter la messe dans le coin d'une église. Nous savons pardonner aux naïfs enfants, pourquoi donc haïr la connerie des plus grands? Cet esprit familier est dans toutes les âmes, rien ne peut le tuer, rien, pas même un chaman. Rien ne peut le tuer, rien, pas même un chaman. Que votre miroir me renvoie comme un goût de lueur d'espoir. Je veux le retenir, je me dois de l'extraire, de l'écrire, de le dire, je ne peux pas me taire. C'est je t'aime, c'est toujours que mon cœur veut crier. Ces maudits mots d'amour ne doivent pas effrayer. Ces mots particuliers que ce couple exclame. Rien ne peut le tuer, rien, pas même une femme. Rien ne peut le tuer, rien, pas même une femme.